c'est ça que t'as dans ta tête d'avorter. Il me dit oui, tu vas l'avorter. Avortement, le pouvoir du médecin. Le parcours de la combattante. Johanna Bedeau, Angélique Thibault. J'ai perdu de poids, j'ai perdu l'appétit, même j'ai perdu des cheveux. Ça, il n'a jamais arrivé. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre cette décision, mais après aussi, je ne suis pas très, très sûre. C'est... Vous n'êtes pas très, très sûre de vouloir avorter, c'est ça? Oui. Les menaces qu'il vous fait et ce qu'il vous dit, il n'a pas le droit de vous dire. D'accord. C'est interdit. C'est lui qui est fautif, hein. c'est pas vous. D'accord? J'espère. Vous n'êtes pas bête, vous avez fait plein de choses pour pouvoir vous en sortir, et vous savez vous débrouiller toute seule. Merci beaucoup. D'accord? Merci. Il n'a pas le droit de vous obliger à avorter et il n'a pas le droit de vous interdire à avorter. D'accord? Après, par rapport à l'avortement, du coup, vous disiez que vous savez plus trop ce que vous avez envie. Oui. À un certain moment, j'étais très sûre que je voulais. Après, je vais parler avec un ami, une amie, ils me disent non, mais tu sais, c'est interdit dans nos religions et tout. Après ça, c'est quelque chose qui me mélange. Et après, oui, mais on ne sait jamais, parce que si tu le gardes, peut-être il va être ton force, tu vas t'en sortir, je sais pas. Aïssatou. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je sais pas. Moi, vraiment, je sais pas. Non. Dans quelle situation vous seriez soulagée? Caroline Réby, planning familial de Paris. Vous essayez de penser à plus tard. À plus tard. Je sais pas, parce que déjà, bon... Et parce que oui, c'est vrai, si j'ai les cartes, après il faut que je sois prête pour prendre toutes les responsabilités, toutes les choses qui vont venir après. Et moi, je ne me vois pas capable. D'avoir un enfant toute seule. Et je ne me sens pas heureux dans toute la grossesse. C'est ça le plus important, c'est de vous sentir heureuse, ou du moins l'envie d'aller mieux. Quelle que soit la décision que vous allez prendre. D'accord? Et là, vous n'êtes pas bien. Donc, moi, j'ai peur de regretter après, c'est pour ça. On entend toujours les gens se lamenter du nombre constant d'IVG, alors que, certes, le nombre en absolu est constant, mais vu que le nombre de femmes en âge de procréer n'arrête pas d'augmenter, voilà, et que par ailleurs, en tout cas en France, les femmes ont une maîtrise de leur fécondité absolument excellente. Sophie Gaudu. Même pas de grossesse, 1,8 grossesse et 0,4 IVG par femme, ça ne fait jamais que 2,3 conceptions entre 17 et 50 ans. C'est gynécologue. Un contrôle sur sa fertilité génial. Obstétricienne, responsable de l'unité de planification familiale de l'hôpital Bicêtre. Il y a tant de femmes en âge de procréer. On sait que le taux de recours à l'IVG dans ce territoire, il est tant de pour mille. On sait donc que, grosso modo, le volume d'interruption volontaire de grossesse pour ce nombre de patientes sera de un nombre qu'on peut définir. C'est une règle de trois. À partir de ce moment-là, on sait très bien quelle offre de soins on doit structurer sur le territoire. Penser les choses comme ça, c'est quelque chose qui vient juste d'apparaître, et encore, à peine. La première fois que j'ai fait cette règle de trois dans une réunion, les gens m'ont regardé. Je sortais de la position normale, du politiquement correct relativement à l'IVG, qui consistait à essayer de se dire qu'on devait faire disparaître l'IVG. Et en fait, l'IVG est un non-pensé. Et c'est ça, le fond du couloir. C'est-à-dire que dans les restructurations hospitalières, on a oublié le centre d'IVG. Vous êtes devant le 52? Voilà. C'est comme ça. Les trois bâtiments gris, les grands bâtiments. Je peux vous citer une liste très très longue d'hôpitaux, de restructuration, où l'unité d'IVG a été oubliée. Donc après, on la case là où on peut. D'ailleurs, à Port-Royal, dans les plans, dans la grande maternité de Port-Royal, il n'y avait pas de centre d'IVG au départ. Et nous, on est en fait au rez-de-jardin d'un de ces bâtiments. Alors, maintenant, il y a des locaux, effectivement. Le centre d'IVG de Port-Royal a des locaux, là, au fond du couloir. Et sur le côté, il y a une petite... On a déménagé, c'était le contentieux qui était, je crois, prévu à cet endroit-là, pour placer le centre d'IVG. Je crois que c'est l'hôpital de Saint-Nazaire qui a aussi oublié. Enfin, je ne suis pas sûre pour Saint-Nazaire, mais c'est une non-pensée. C'est « Ah, on a oublié ». Après, dans les options et dans les choix qui s'offrent à vous, Elsa, ma collègue, a dû vous en parler. C'est-à-dire que là, si vous décidez d'avorter, avec l'échographie que vous venez de faire, c'est plus possible de le faire en France. Oui, c'est ça. D'accord, ça, elle vous l'a dit. Mmh. Donc, il faudra partir en Hollande. Oui. Si vous choisissez de garder la grossesse aussi, le monsieur, votre ancien partenaire, aura des droits sur cette grossesse. C'est ça que moi, je ne veux pas. Avec ça... Je serai obligée de rester en contact pour toujours avec lui. Après, il va avoir le jugement. C'est le juge qui va décider s'il peut avoir un droit de visite et tout ça. Mais ça, c'est des procédures qui sont un peu longues. Mais il peut demander un droit de garde s'il veut à la naissance de l'enfant. D'accord. Voilà. Après, il n'y a que vous qui pouvez faire le choix, c'est-à-dire donc vous pouvez partir en Hollande. D'accord. Donc... Le Flixbus, n'est-ce pas? Parce que j'avais fait un PD recherche. Il y a ça qui existe. Il y a aussi Euroline. D'accord. Voilà. Et ça? Ça, c'est une autre. Et... C'est par rapport au prix, surtout. Là, c'est pas ce prix-là. C'est 775. D'accord. Dans une matinée, il y en a deux, trois. Sur les 20 que je vais voir, je vais lui dire qu'est-ce que vous venez faire ici, comme tout à toutes. Mais je vois qu'il y a un papier qui dépasse, donc je vais dire c'est pour un avortement, parce que j'ai pas envie qu'elle, si elle a pas envie de le dire, qu'elle le dise pas. Et puis je lui demande ce qu'elle sait de ce que je vais faire et de ce qu'elle a lu dans Internet, parce que quand même, elles ont lu tellement d'horreurs que c'est vrai qu'elles vont te dire des trucs horribles. Parce que la non, vous étiez temps. À 17 semaines. Donc je remets tout à l'endroit. Et puis après, je regarde l'écho, je lui dis, ben voilà, le truc, c'est un grain de couscous, une lentille. Emmanuel Piette, médecin et présidente du collectif féministe contre le viol. 2 mm, c'est un petit couscous, ou un couscous moyen, ça dépend de la taille du truc. Donc n'allez pas chercher des trucs épouvantables dans votre culotte, il n'y en aura pas. Ça, vous allez saigner un peu. Et puis on va vous donner des trucs pour ne pas avoir mal. Donc premièrement, on nique le grain de couscous, et demain ou après-demain, à votre choix, il ne faut pas être toute seule. Donc c'est le moment le mieux pour toi. C'est en ayant mis les enfants à l'école ou si c'est ou en sortant du boulot, t'avales le truc pour expulser. Et là, il faut que tu sois avec quelqu'un et que tu prennes avant, une heure avant, des antalgiques pour ne pas avoir mal. Et finalement, tu vois des filles qui t'appellent parce qu'elles ont très mal avec les antalgiques devant qu'elles n'ont pas mangé. Donc tu dis, vous voudrez peut-être venir manger là tout de suite. Donc c'est ça aussi le rapport à la douleur. On l'aura pris avant mal. Ah bah, une fille, quand tu lui dis est-ce que tu as mal pendant tes règles, elle te répond oui, normal. Donc tu lui dis que c'est bien une fille, ça, de trouver toujours normal d'avoir mal. Est-ce que c'est ça le moins cher? Il n'y a pas. Oui, c'est le moins cher. D'accord. Après, par rapport au transport aussi, j'ai fait les recherches. Et ici, voilà. C'est le Flixbus. C'est pour aller d'ici jusqu'à les Haïs. Et ça, c'est le prix. Je sais pas. Oui. Même si c'est beaucoup des yeux, moi, ça ne me dérange pas, mais c'est le moins cher. Donc voilà, ça, j'ai trouvé le moins cher. Vous voyez que vous êtes forte. Vous avez réussi à tout trouver toute seule. Merci beaucoup. J'ai essayé un peu. Nous, les filles, on est programmées pour faire des enfants. Et le désir d'enfant, c'est compliqué, parce que tu sais jamais, mais c'est vrai pour chacune d'entre nous, si ce que ce désir-là, c'est un désir sociétal, ou un vrai désir profond, et c'est si t'as envie, et si c'est raisonnable ou pas. Enfin, c'est quand même des choix extrêmement compliqués à faire. Donc, la part de la société dans ton désir de te reproduire est compliquée à dissocier. Et d'ailleurs, les filles qui disent « moi, j'ai choisi de ne pas faire d'enfant », c'est très compliqué. Donc, il y a l'idée, et le corps médical, ils sont terribles. Ils passent leur temps à rappeler aux filles que leur horloge biologique va bientôt avancer, que bientôt, ça va être trop tard. Alors que, bon, voilà. Ah, vrai, vous allez pleurer, madame. Mais il y en a peut-être aussi qui ont décidé de ne pas faire d'enfant et qui ne vont pas pleurer. Donc, on a ça. On a le fait qu'on ferme toutes ces petites maternités, donc ça supprime les lieux d'avortement. Tu fermes une maternité, tu fermes un lieu d'avortement. Alors, c'est un droit menacé en permanence, avec une vigilance quand même assez soutenue maintenant. Et puis, enfin, on pourrait quand même augmenter les délais. 14 semaines, c'est ridicule. On pourrait faire 16, 18 tranquillement. Il y a quand même plein de pays en Europe qui font 18 tranquillement. Qu'est-ce qu'on fait des femmes qui dépassent le terme ? D'une part, si elles peuvent, elles partent à l'étranger. Ça, c'est vraiment... Il n'y en a pas beaucoup, mais avec le planning, il y en a 5000 par an, je dirais. Quelque chose comme ça. C'est de manière... La démerde. Comme avant, en fait. Ah, c'est exactement comme avant. À partir de 14 semaines, c'est comme avant. C'est pour ça qu'il faudrait au moins gagner 2 semaines, parce que sur 2 semaines, à mon avis, tu en gagnes 3000. Et moi, je ne suis pas favorable au délai, de toute façon. Pour l'instant, la plupart des collègues, ils savent faire 14. Ils savent pas faire 16, parce que c'est plus gros, il faut... Mais jusqu'à 16, on peut faire, c'est les mêmes genres de techniques avec des sondes un peu plus grosses. Ça change pas grand-chose. Après 22 semaines, ça commence à être compliqué, difficile. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut apprendre une nouvelle technique. Mais ça, les techniques, les médecins, ils apprennent. Hein. Enfin, moi, je vois le nombre d'avortements qu'on fait avant 7 semaines de grossesse. C'est vraiment maintenant 50 ou 60%. Les filles, quand elles ont un truc dans le ventre qu'elles veulent pas, elles ont envie de s'en débarrasser le plus tôt possible. Donc, celles pour qui ça a traîné, c'est en général des trucs très compliqués, assez douloureux et pénibles. Il faut leur filer un coup de main, quoi. L'interruption volontaire de grossesse, c'est extrêmement simple, médicalement parlant. Que ce soit la méthode médicamenteuse ou l'aspiration ou l'instrument, c'est extrêmement simple. La technique très simple. C'est très simple. C'est extrêmement simple à apprendre. Bon, mais c'est très peu enseigné. Et la question, elle est plus vaste parce que il y a une particularité, que c'est un domaine de la médecine, la contraception et l'interruption volontaire de grossesse, où c'est la patiente qui pose l'indication. C'est pas le médecin. Donc ça pose le médecin, les anglo-saxons, ils disent « provider ». Si on veut traduire littéralement le mot anglo-saxon, on va dire « fournisseur d'avortement ». C'est-à-dire celui qui donne le soin, mais qui n'est pas celui qui décide. Là, on peut faire des demandes de prise en charge assistante sociale par rapport au prix, par rapport aux 775 euros. D'accord. D'accord. Et ça, on ne peut pas les faire maintenant ? Aujourd'hui, oui. Si vous voulez. D'accord. Ok ? D'accord. Deuxième option. D'accord. Pas fini. Merci. La deuxième option, c'est de vous rendre dans ce centre-là. Ça s'appelle la Maison des Femmes. D'accord. Demain matin, oui. À 9h. La Maison des Femmes, c'est à Saint-Denis. D'accord. Il faut voir, en fait, il faut y aller pour voir ce qui est possible avec elle. D'accord. Si elle vous dit que ce n'est pas possible, ça ne pourra plus être possible en France du tout. Mm-hmm. Donc, on fait les deux demandes en même temps. D'accord. Pour être sûr que vous puissiez partir correctement. D'accord, c'est vrai. Ok. Merci beaucoup. Donc, j'ai mis que je vous avais reçu ce jour, que vous avez été victime de violence par votre ex-partenaire. D'accord. Que la grossesse était désirée au début, mais depuis vous subissez des insultes et des menaces et des dénonciations auprès de votre famille. À ce jour, vous n'avez pas d'argent nécessaire pour partir en Hollande. C'est pour ça que je fais une demande d'IMG, une interruption médicale de grossesse. D'accord. Et qu'en parallèle, on va continuer à voir ce qui est possible pour des fonds pour la Hollande, mais si vous pouvez être prise dans le service en France, oui. Ça sera mieux pour donc vous. Ça, je dois être à 9h. Demain matin. Je vais tout noter. Oui. Donc ça, c'est pour vous. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Est-ce que vous pourrez revenir jeudi ? Et jeudi, d'accord. Je passe là. que c'est sous clé quand même, les médicaments. Danielle Gaudry, voilà. Gynécologue, alors, obstétricienne et ancienne membre du Bureau national du planning familial. Très sérieusement, quand on reprend les chiffres du ministère, hein, on les invente surtout pas. Donc, en gros, il y a 5 lieux où on pratique des avortements par an, entre 5 et 10, qui ferment tous les ans. Soit par regroupement d'hôpitaux, soit par fermeture pure et simple. Beaucoup d'établissements privés ont fermé. C'est une réalité. Donc, soit on considère que l'avortement est un soin de santé primaire, c'est-à-dire auquel toutes les femmes peuvent avoir recours à un moment donné de leur vie, et on les met à proximité, soit on considère que c'est réservé à des lieux hautement techniques, et elles font 80 km pour le premier rendez-vous. Donc le fait que les sages-femmes aient le droit de faire des IVG par médicament, le fait qu'il y ait des IVG par médicament en dehors des centres hospitaliers, bien sûr, rapproche les femmes des professionnels qui effectuent les avortements. Mais ça ne leur laisse pas le choix. D'accord. De la technique. Donc, je vais reprendre très rapidement au cas où. Vous avez été reçu déjà en accueil individuel. D'accord. On vous a expliqué le protocole de l'IVG. Donc, vous savez que là, vous allez prendre un premier médicament devant le médecin. Mélanie, le médecin, conseillère conjugale au planning familial de Maison Alfort. Exactement. Pour stopper la grossesse. Et ensuite, vous rappelez, il y a 6 médicaments, 48 heures après. Ouais. C'est pour dilater l'utérus, pour expulser le... Voilà, normalement, c'est ça. Exactement. Donc, dans 48 heures, mercredi, vous avez donc 6 médicaments. C'est un antidouleur, 2 médicaments. Et 4 heures plus tard, un antidouleur. 30 minutes après, 2 médicaments. Okay. Et ça, en effet, donc, ça va provoquer des contractions, l'ouverture du col de l'utérus pour permettre l'expulsion. C'est dur, mais... Qu'est-ce qui est dur, du coup ? De faire ça, quoi. Vous trouvez ça difficile ? Bah oui, c'est très difficile. Dans quel sens ? Bah, c'est... On voit que c'est quelque chose qui fait partie de nous, qu'on décide de l'évacuer comme ça, c'est un peu compliqué pour l'accepter. Mais bon, après, c'est un choix, quoi. Il faut se décider. Quand on se décide, après, ça devient... Voilà. Je passe là. Pardon. Excusez-moi. Donc, c'est donc des médicaments qu'on va donner. Le premier médicament, donc la mifépristone, elle va permettre d'interrompre la grossesse, puisque comme ça va faire chuter le taux de progestérone, la grossesse va s'arrêter. Et ensuite, on donne un médicament qui s'appelle le misoprostol, qui va déclencher des contractions utérine et permettre l'expulsion de la grossesse. Alors, on a vu des choses extraordinaires à propos de misoprostol, parce que cette molécule n'a pas été au départ instituée et développée dans l'avortement médicamenteux, ou dont l'utilise aussi pour la gestion des fausses couches spontanées. Enfin, bon, bref, en gynéco, ça s'est développé. Et à partir de là, il y a très peu de temps, le laboratoire qui fabriquait cette molécule a dit « nous ne voulons plus entendre parler de cette molécule ». Et là, l'Agence nationale de sécurité du médicament a bien été ennuyée, puisque si nous n'avions plus cette molécule, nous ne pouvions plus faire d'avortement médicamenteux, nous ne pouvions plus gérer les fausses couches, on ne pouvait plus, il y avait un certain nombre d'actes. Donc, crise d'urgence, et donc on s'est retrouvé avec la même molécule, avec des présentations différentes fabriquées par des laboratoires différents. Mais pour vous donner une idée, la boîte, donc, de c'est 60 comprimés, c'est ça, coûte coûtait 15 euros et que maintenant, on a des comprimés qui coûtent 15 euros quasiment pièce. Voilà. Donc, on est dans une... on ne peut pas dire qu'on est dans une situation de progrès, quoi. Vous en êtes toutes vos démarches, qu'est-ce que vous avez là comme examen? Quel est votre besoin? Vous prendre une pilule ou pas? Non. Non, il faut que ce soit anonyme. Quelle est la situation? C'est la première fois que vous êtes enceinte? C'est la première fois que vous êtes enceinte? Ah oui, donc il y a urgence. Alors écoutez, je vous indique le nom de l'hôpital. Et la deuxième fois, c'est combien de temps? 100 euros. Bah, c'est la même méthode que l'année dernière. Vous aviez fait où l'année dernière? Oui, c'est la même chose. La question de l'IVG dans toutes ses dimensions, c'est une question de choix. Le choix de poursuivre ou d'interrompre, et ensuite le choix du lieu, et puis le choix de la méthode. À partir du moment où une femme a choisi, c'est vraiment, quand je parle de choix, mais c'est de choix éclairé, c'est-à-dire que les autres méthodes existent et on nous dit voilà. Et quand elle dit, moi je veux quand même faire telle méthode, elle le vivra beaucoup mieux que si c'est une méthode qui lui est imposée. Est-ce que vous souvenez la date de vos dernières règles? Vous avez tout connoté. Il s'agit de l'hôpital Trousseau. Trousseau, je vais... 25 décembre, je vais vérifier si c'est encore possible pour faire un médicament tout à l'heure. U2S. Alors, vous aurez jusqu'au 11 février pour prendre les comprimés. Trousseau. L'avortement médicamenteux qui est arrivé depuis 88 en France et puis ensuite qui est passé hors hospitalisation à partir de 2001, cette IVG médicamenteuse est bien sûr techniquement possible jusqu'à des termes avancés puisque c'est avec cette technique qu'on fait ce qu'on appelle des interruptions médicales de grossesse pour des problématiques fœtales ou maternelles. Donc, Marie-Laure Brival, techniquement, gynécologue, obstétricienne, l'avortement médicamenteux pourrait se faire jusqu'à 14 semaines. Anciennement chef du service de la maternité des Lyons. La Haute Autorité de Santé, en France, a posé comme limite 7 semaines hors hospitalisation, jusqu'à 9 semaines à l'hôpital, et précise dans ses recommandations, au-delà de 9 semaines, c'est la méthode chirurgicale qui est recommandée. Recommandée à travers toute la littérature existante pour montrer que quand on dépasse le terme de 9 semaines, l'avortement devient plus douloureux, plus long, plus hémorragique. Donc, un vécu, quand la femme n'a pas eu la possibilité de choisir, beaucoup plus douloureux pour la femme quand elle se retrouve devant le fait accompli. Parce que c'est plus gros et que du coup, les contractions sont plus fortes. Il se trouve qu'actuellement, on assiste, à mon sens, à une dérive de l'utilisation de l'IVG médicamenteuse au-delà de 9 semaines. La question qui se pose, est-ce que vraiment les femmes ont choisi cette méthode ou est-ce que les conditions de fonctionnement du service font que on leur propose systématiquement et elles n'ont finalement pas le choix que de vivre cette méthode jusqu'à 14 semaines? C'est une vraie question. Dans les années 2000, l'IVG médicamenteuse représentait à peine 20% des IVG. Et on s'aperçoit qu'en 2018, les dernières statistiques de l'ADRES, c'est de montrer que l'IVG médicamenteuse est à 70%, représente 70% du mode de pratique des IVG. Pourquoi ? Alors justement, donc avec une régression, alors que c'était exactement l'inverse, il y a encore 20-15 ans. Donc ça coûte moins cher ? Alors pourquoi ? C'est une question qui me taraude, parce que certes, on a tous loué l'arrivée de l'IVG médicamenteuse pour les femmes, parce que c'était une technique supplémentaire, une façon de le gérer surtout dans l'intimité, qu'on n'avait pas besoin de passer par les rouages de l'hôpital. Tout ça, c'était très bien. Et de se confronter au corps médical. Et de se confronter au corps médical. Donc, personnellement, heureusement qu'il y a cette nouvelle méthode, et on l'a louée. Mais en même temps, j'ai toujours pressenti cette dérive qui allait s'installer sur l'IVG médicamenteuse. Parce que ce sont des produits extrêmement puissants. Quand je discute en disant, mais pourquoi cette montée en charge de l'IVG médicamenteuse? Et qu'on me réponde, mais Marie-Laure, quand t'as pas de médecin pour faire les avortements, tu fais comment? Ben, tu passes tout en IVG médicamenteuse. Qu'est-ce qu'il y a de plus important? C'est que les femmes aient l'avortement ou quoi? Bon, comment vous allez ? Ça va, plus ou moins. Vous êtes allée à la maison des femmes ? Oui. Et là-bas, après, les mêmes jours, ils m'ont donné rendez-vous avec la psychologue. Bon, elle ne m'a pas donné beaucoup d'espoir. Mais après, demain, j'ai eu un rendez-vous avec les psychiatres. D'accord. Et hier, j'étais à l'hôpital Boujon. Vous m'avez donné ces papiers. Oui. Pour demander une assistance sociale pour avoir l'aide financière à l'étranger. Donc, ils m'ont donné ces papiers pour vous dire que... Ok, donc par l'assistante sociale, là, elle ne pouvait rien faire en ville. Mmh. Je vais réappeler Utrecht maintenant. Comme ça, on peut bloquer un rendez-vous. Ouais. Si jamais c'est possible demain matin, on annule. Mais il vaut mieux bloquer tout de suite parce que là, les rendez-vous sont un peu loin déjà. Il n'y a pas du tout de place la semaine prochaine. On fait ça, non ? Israël Nizan, je suis professeur de gynécologie obstétrique au CHU de Strasbourg. Moi qui viens du diagnostic prénatal, quand j'avais une interruption médicale de grossesse à faire à 25 semaines parce qu'on venait de trouver une maladie cardiaque non réparable, comment on fait ? Médicamenteux. J'ajoute à ça que, point de vue médical, le fait de faire une IVG chirurgicale tardive, ça nécessite d'écraser l'enfant avec une pince. Parce que quand vous faites une IVG sur une aspiration, c'est que c'est une IVG précoce. On peut aspirer. Quand l'IVG n'est pas précoce, on ne peut plus aspirer. Alors on fait comment ? C'est-à-dire la structure osseuse est déjà... Elle est très présente. À partir de 14 semaines, il y a une structure osseuse, là, céphalique. Et donc, ça sous-entend qu'on va utiliser des moyens pour écraser. Pour que ça passe dans la... Pour que ça puisse être sorti de l'utérus. Il faut aussi entendre que les médecins n'aient pas tous envie de faire ce genre de geste. Alors, en Hollande, il y en a qui font ça jusqu'à 22 semaines. Ils se font payer 2000, 3000 euros. Ils en font 1000 par an. Tout va bien pour eux. Aucun médecin en France ne marche là-dedans. Je suis pas du tout laissé les vivre. J'ai milité toute ma vie pour que l'IVG soit disponible et correctement disponible. Et je viens de faire une recommandation du collège pour accéder à l'IMG psychosocial, c'est-à-dire que une jeune de 11 ans qui a caché la grossesse à ses parents et qui a 17 semaines, faut pas l'envoyer en Hollande, faut le faire chez nous. de manière médicamenteuse. Comme on ferait à 25 semaines si l'enfant était mal formé. Comme on ferait à 38 semaines si l'enfant était gravement mal formé. Donc il y a une technique qui marche sur toute la grossesse, c'est l'IVG médicamenteuse. Il y a une technique qui ne marche que de 10 à 14 semaines, qui est l'IVG chirurgical. Et ma raison de bouger est de dire, médicalement, scientifiquement, techniquement, c'est à la femme de choisir, après qu'on lui ait expliqué de manière impartiale les avantages de l'une et de l'autre méthode. Et si on fait autrement, on est hors des clous, en tout cas des clous proposés par le collège, qui est la société savante de la discipline. Qu'est-ce que ça a comme impact, selon vous, de rembourser à 100% une IVG ? C'est de la faire considérer comme un droit. Et j'ai de la réticence pour tout ce qui est pris en charge à 100%, parce que ça n'a plus de valeur. Ce qui ne coûte rien ne vaut rien. Quand on fait payer la contraception et qu'on dérembourse certaines contraceptions alors qu'on rend gratuite l'IVG et que c'est la même enveloppe qui sert à faire ça, quel est le message ? C'est pour ça que je vous demande ça. Quel est le message ? C'est l'inverse de tout ce que j'ai fait toute ma vie, qui est de dire l'IVG n'est pas une contraception, l'IVG doit exister et quand une femme en a besoin, elle doit être prise en charge avec méticulosité, correctement, avec bienveillance et l'accompagner dans ce geste. En revanche, l'accompagner, ça veut dire lui aider à ce qu'elle n'ait plus besoin d'en passer par là. La meilleure IVG, c'est celle qu'on n'a pas besoin de faire. Et n'importe quel parent préfère, bien entendu, que sa fille ne termine pas sa première histoire d'amour par une IVG. Parce que l'IVG peut laisser des séquelles. Pas toujours, mais ça peut. Nous apprenons à nos enfants à traverser la rue sans se faire écraser. On ne leur apprend pas à entrer en sexualité sans en avoir les déboires et les conséquences. Puis en plus, c'est un geste dans l'intimité d'une femme, etc. C'est pas rien. Donc 15 000 IVG chez les moins de 18 ans, j'appelle ça un vrai problème de santé publique. Et pour moi, faire en sorte... ma fille n'a pas passé par là. Et les 10 jeunes femmes de Strasbourg qui, avant l'âge de 18 ans, sont obligées de vivre une IVG, c'est comme si c'était mes filles. Quel est votre regard actuel sur les évolutions, justement, de la question de l'IVG en France ? Je trouve qu'on a une accessibilité à l'IVG qui pourrait s'améliorer. Il y a des endroits où les femmes doivent attendre, il y a des moyens. L'IVG va aussi mal que l'hôpital. Voilà. Comme une grande partie des IVG sont à l'hôpital, il y a des endroits où il y a des délais d'attente qui ne sont pas normaux, des endroits où des prises en charge qui sont insuffisantes, des prises en charge psychologiques qui ne sont pas à la hauteur de l'événement. On devrait partout proposer des entretiens aux femmes. C'est plus obligatoire maintenant. Non, c'est la loi dit systématiquement proposé, jamais imposé. Et c'est moi qui ai proposé cette formulation. Donc il y a des endroits où il n'y a plus les moyens de le faire. Plus de psychologues, plus de sages-femmes, plus de conseillères conjugales. Et donc on se contente de faire les gestes. Oui, alors bonjour. Oui, c'est planning familial à Paris. C'était pour prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. Alors, attendez. 17. Il y a un bip à 36,5. Voilà, c'était l'échographie, c'était lundi 27. 36,5. 17. Il y a de la place ce jeudi ou vendredi prochain. Jeudi ? Jeudi ? L'avortement, c'est un acte dévalorisé dans son essence même, dans la profession et la formation des médecins, mais dévalorisé sur un plan matériel pur. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça rapporte à un hôpital ? Mais ça rapporte pas grand-chose. Mais en regard d'autres actes médicaux, c'est un forfait pour sa réalisation qui est largement en deçà de ce que coûte réellement une IVG. Ce d'autant plus que la plupart des IVG, ce qui est totalement anormal, qui se passe à l'hôpital, sont sous anesthésie générale. Donc, il y a toute une infrastructure qui coûte cher. C'est-à-dire les locaux, le bloc opératoire, l'anesthésiste, l'obstétricien qui fait, la penseuse, l'hospitalisation en ambulatoire. Donc, c'est un acte qui est sous-évalué. Je pense que c'est quelque chose qui complique considérablement la prise en charge de l'IVG. J'en veux pour preuve que c'est quand même très étrange. Le service public a une obligation. Le service public. Les privés, non. Ils peuvent, mais ils peuvent. Quand on voit le désengagement massif des hôpitaux privés sur la question de l'avortement, ils ne représentent guère que quelques pourcents, je n'ai plus en tête les chiffres, mais je crois une vingtaine de pourcents. Actuellement, c'est 80% des IVG qui sont faites à l'hôpital public. Pourquoi ce désengagement du privé ? Pourquoi ce désengagement du privé ? On parle des pays limitrophes européens qui font des avortements et qui recueillent les femmes françaises en difficulté d'obtenir en France, qui ont dépassé les délais. Tant mieux et merci à eux. Mais ce sont toutes des instances privées. Et l'avortement, c'est 1 000 et en fonction du terme, 2 000, 3 000 euros. Et ce qui m'a traversé l'esprit, et ça m'effraie, je me dis, mais ne serait-on pas revenu avant 75 ? Ouais. Et alors, à la traversée, après, vous avez eu la douane anglaise, la police oui. anglaise. Alors là, il y a eu des gros problèmes, en particulier avec, les étrangères, voilà. Ouais. Les Algériennes, les Tunisiennes. Elles avaient des cartes de séjour. Et ouais, on les a fouillées complètement, on leur a posé un tas de questions pour savoir ce qu'elles faisaient à Londres, à quelle adresse elles allaient. On a attendu une heure. Et ça a été l'angoisse. Hein. Tu dis que ce que tu avais comme problème ? Je vais te poser des questions. Oui, je me souviens que quand tu es venue au planning familial, tu étais très inquiète parce que tu n'avais absolument pas la somme qui correspondait. Oui, c'est que exact. Tu portais avec beaucoup moins. Oui, oui. Alors finalement, comment ça s'est passé ? Ben, ça s'est passé. Enfin, je ne sais pas, elle m'a appelée, elle a ouvert mon dossier, puis elle m'a dit voilà, je suis au courant, Topia. Puis elle m'a dit vous me donnez ce que vous avez. Exactement, j'ai donné une somme de, je sais pas, 300 ou quelque chose. Et puis je voulais lui donner un peu plus quand elle a vu que j'étais en train de gratter au fond du sac. Elle m'a dit non, gardez le reste, gardez la monnaie pour vous. J'ai perdu une quinzaine de jours. Et vous avez donné quoi faire les médecins ? Des piqûres, des séries de piqûres. Ouais. Absolument, ne m'a rien fait. Ouais. J'ai traîné plus de 15 jours, un mois à peu près. Ah bah, tu es retournée les voir alors ? Je suis retournée les voir après. Ouais. Et alors, il t'a dit à ce moment-là quoi, le médecin, quand tu as dit que les piqûres absolument rien, ils m'ont redonné d'autres piqûres. Et après, je suis allée voir un gynéco. Ouais. Il m'a conseillé de venir en Angleterre parce que c'était trop tard. Ouais. C'est tout. Ouais, ça arrive un peu trop souvent leur truc aussi. Ça arrive un peu trop souvent leur problème. Leur truc de dire que c'est 14, de dire que c'est 10 semaines, alors qu'on n'est même pas en fait de 10 semaines, de 8 ou 6 semaines. Parce que moi, ça m'est arrivé ce truc-là. À l'hôpital Jean Verdier. Et cet hôpital, c'est un hôpital que je ne conseillerais jamais parce que j'ai passé 6 jours là-dedans. Mais c'est des bourreaux qu'il y a là-dedans. Pourquoi c'est pas... Parce que bon, je suis tombée évanouie dans la rue. C'est la police qui m'a ramassée. Et on m'a emmenée directement à l'hôpital. On m'a emmenée à l'hôpital Tenon. Après, on m'a emmené à Vincennes, après, on m'a emmené à Jean-Verdier. Et c'est là, à Jean-Verdier, on m'a dit, vous êtes enceinte et tout. Enfin, on m'a dit, vous êtes pas enceinte. On m'a dit, on croit que vous êtes enceinte. On m'a fait une échographie, on m'a fait tout un tas de trucs, ils ne voyaient rien sur l'écho. Ils m'ont dit, après, ils m'ont dit, deux jours après, ils m'ont dit, on croit que le fœtus, il se développe dans la trompe. Ils m'ont fait une opération. Enfin, il n'y a pas une opération, juste un truc qui m'ont fait. Et ils n'ont rien trouvé. Et puis, comment ça s'appelle après, on m'a dit, revenez la semaine prochaine. On va vous enlever votre fil et on va vous refixer un rendez-vous pour vraiment savoir si vous êtes enceinte et tout le bordel. J'ai reçu retourner la semaine. On m'a dit, votre gynécologue n'est pas là. Alors, ils m'ont enlevé le fil et on m'a dit, votre gynéco n'est pas là. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous me dites de venir et puis en fin de compte, il n'y a pas de gynéco. On m'a dit, vous venez la semaine prochaine. Je suis retournée. On m'a dit, oui, mais c'était une externe, elle est partie. J'ai dit, vous me prenez pour un con ou quoi? Je fais, moi, les semaines, ils passent. Je fais, en attendant, vous voulez que je me trouve qu'un monde sur les bras, sans boulot et sans rien? Je fais, qui c'est qui va l'élever, le gosse? C'est vous ou c'est moi? Alors, donc, Aïssatou, vous partez dans combien de temps, là? Et bon, déjà, à minuit, je dois être là-bas. Dans une heure. Et le bus part à quelle heure? À minuit et demi. Après, je vais arriver là, je vais arriver à Utrecht à 6h45. Quand j'arrive là-bas, je dois prendre les... Bon, c'était la gare centrale. Et je vais prendre les bus 28 qui va me ramener jusqu'à Bistrat, je crois. Bon, après, je vais regarder jusqu'à où il est à l'hôpital. Du coup, le rendez-vous, il est fixé à... 8h30. Comment vous vous sentez? Très nerveuse. J'ai trop peur. C'est quelque chose qui sort de ma vie, je sais pas. Je suis très nerveuse. Peut-être je vais être toute normale. Peut-être rien ne va m'arriver. Mais après, voilà, j'ai un peu peur. Mais j'ai été plusieurs années, bon, pas galéré, mais bon, malheureux. Après, c'est vrai, je suis la première de ma famille, la première fille. Et j'ai obtenu beaucoup de responsabilités. Et je crois aussi que moi, j'ai vécu très vite. J'ai grandi comme une adulte très vite. C'était comme une enfant ou une adolescente qui a laissé d'être enfant et il est devenu une adulte trop vite. Et finalement, j'y arrive dans un moment que je ne pouvais plus. Donc maintenant, je vais essayer de me focaliser à être heureux. La verdad que esta experiencia ha sido algo que me ha afectado muchísimo, pero severamente, psicológicamente, y nunca me había llegado algo así. Así que voy a dar el paso y que sea lo que Dios quiera. Excusez-moi, c'est le bon billet. 6 février, il y a le sketch du trait. Oui. Et la cire pour ma soeur, c'est où? 5-2. Oh, you can sit wherever you like. Wherever you like. Anywhere, yes. Thank you very much. Bye. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Bien, merci. Can I scan your ticket? Ah, yes, yes. Imaginez-vous prendre un bus de nuit avec plus de 500 euros dans une enveloppe pour aller avorter à l'étranger. Enfin, c'est des situations qui sont quand même... qui paraissent complètement improbables, quoi. Enfin, une femme sur trois aura un avortement dans sa vie. Dans votre entourage, vous prenez un groupe de copines, vous divisez par trois. En fait, Marie-Mathieu, c'est quelque chose qui arrive. Sociologue, c'est pas mal. Enfin, il y a quand même cette association d'un, comme quoi les femmes auraient fauté, auraient une mauvaise gestion de leur contraception. Sauf qu'on s'aperçoit que les femmes sont majoritairement sous contraception quand elles se découvrent avec une grossesse non prévue. C'est aussi arrêter d'opposer les femmes qui avorteraient puis les femmes qui auraient des bonnes pratiques. Enfin. cette dichotomie stupide, puisque c'est les mêmes femmes qui à la fois avortent, qui à la fois se contraceptent et qui à la fois auront des enfants, enfin, ou ont des enfants. Donc au final, c'est vraiment une espèce de stigmatisation qui est juste sur un geste qui n'est pas... La question du délai légal, elle est, enfin, il y a quand même une espèce de fantasme sur les responsabilités des femmes ou sur... C'est comme si on imaginait que si on faisait sauter le délai légal, d'un coup d'un seul, toutes les femmes allaient pousser leur grossesse au dernier trimestre pour attendre la dernière minute. Alors que finalement, les femmes font des choix très responsables. Enfin, c'est complètement hallucinant de se dire qu'en France, on limite alors que finalement, c'est peu de femmes. Mais ces peu de femmes, on les met dans des situations absolument hallucinantes, quoi. C'est un périple qui s'organise dans une hâte absolument hallucinante où elles sont obligées d'un coup d'un seul de tout laisser tomber pour partir à l'étranger et s'organiser pour récupérer une somme qui est quand même assez considérable, qui peut aller de 500 euros jusqu'à 1000 et quelques euros, sans compter les frais de voyage et les frais de transport, et puis le fait qu'elles ne vont pas au travail pendant les journées où elles sont à l'étranger. Et puis aussi se retrouver avec cette question de dans quelle mesure en fait partir à l'étranger, c'est pas aussi un truc un peu bizarre, c'est contourner une loi française. Ben en fait c'est comme si vous partiez pour un autre soin de santé à l'étranger. Cette crainte et cette représentation de pourquoi finalement c'est pas fait, quoi. Enfin, et puis aussi cette hyper stigmatisation de ces femmes-là qui pourront quasiment jamais en parler ou qui en parleront à voix basse et sans forcément dire que ben en fait enfin que ça arrive, quoi. L'idée de ne pas accompagner ces femmes qui ont passé le délai, c'est leur renvoyer aussi à l'idée que passer ce délai, c'est un fœtus qui est formé avec ses membres. Ah oui, non, mais je pense que c'est un signe en creux qu'effectivement, c'est un être humain. Enfin, c'est toute cette représentation humanisante des fœtus qui, à mon avis, a été renforcée à la fois par l'imagerie médicale, à la fois par toutes les campagnes, on va dire, visuelles qu'ont fait les anti-choix, qui même est dit, entre guillemets, dans la loi, dans le sens où, effectivement, c'est une condition exceptionnelle et que ça remet pas en question la protection du principe de vie humaine, quoi. Enfin, donc, il y a quand même ce truc-là où, en creux, ça dessine ben, une représentation de... au-delà, ce serait un être potentiel, alors que légalement... Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas une personne qui a des droits, en fait. Et c'est tous les glissements qui se font aussi dans le langage. Enfin, quand on parle d'enfants à naître, alors que finalement, c'est pas des enfants. Enfin, c'est pas des êtres vivants. Et je pense qu'en plus, ce qui est un petit peu particulier avec les avortements au-delà des délais, c'est qu'il y a vraiment cette représentation de, mais en fait, comment ça se fait qu'elle s'en est pas rendue compte? Ou alors, qui est vraiment cette idée de, ces femmes tellement irresponsables qu'elles attendent la dernière minute pour le faire. Alors que les situations... moi, j'ai fait des accompagnements là les derniers mois. C'est des femmes qui, effectivement, n'ont pas identifié les signes de leur corps comme étant des signes de grossesse. Les fiches qui ont été recueillies par le planning sur ces femmes qui allaient à l'étranger montrent bien qu'il y a certaines situations où les femmes ne pouvaient s'imaginer être enceintes. Par exemple, dans les fiches, il y a des femmes qu'on a diagnostiquées comme ménopausées qui... En fait, s'imaginent pas un seul instant pouvoir tomber enceinte et ne vont pas lire leur corps avec cette idée qu'elles potentiellement elles peuvent être enceintes. Il y a aussi bien des changements de situation, on va dire, entre le moment de la découverte de la grossesse et effectivement un conjoint qui possiblement devient violent ou une modification des conditions matérielles, un licenciement ou une situation économique qui se dégrade d'un coup, ou alors même, enfin. C'est toute une série de situations qui sont tellement ordinaires et d'un autre côté qui conduisent à des situations assez folles, quoi. Enfin, de partir à l'étranger pour pouvoir avoir une intervention qu'on pourrait pratiquer en France, il y a vraiment un questionnement à poser, quoi. Enfin, l'État décide que finalement elles deviendront mères. Elles peuvent accoucher sous X, mais elles auront un accouchement qu'elles ne souhaitaient pas, quoi. Enfin. Une sensation très bizarre. Et voilà. Après, je suis arrivée à Paris à 6h30 du matin. Je suis arrivée à Paris dans le bus. Et après, bon, je suis arrivée à la maison vers 7h20. Voilà. Je suis arrivée à la maison. Quand je suis arrivée à la maison, bon, j'ai essayé de ranger un peu mes choses et je me suis couchée. Pour dormir un petit peu. Oui, et c'est vrai, quand je suis arrivée à la maison, voilà, toujours j'avais cette sensation bizarre.